Chapitre 18e. La preuve d'épouvante. Elle était à ce point troublée, émue, qu'elle oublia la désillusion que lui avait causée la visite de Paulin Broquet pour ne penser qu'au chien. Elle eut seulement le courage, la force de ranger son reçu de la maison de banque avec les autres, dans un coffret d'acier qu'elle cachait dans son armoire à glace. Et elle attendit avec impatience la venue de son amant. Charles Téna vint ce soir de meilleure heure que de coutume. Il était encore très gai. Très affectueusement, il embrassa Réginald et lui dit « Ça va maintenant, ça va. Je n'ai plus rien à craindre. La déveine terrible est passée. C'est fini. Je respire. » Jetant une liasse de billets de banque sur une petite table, sortant des billets, de l'or, de toutes ses poches, il s'écriait, riant à pleine gorge « J'ai de la veine. Vois ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai voulu. » Je suis parti parce que je gagnais trop. » Voyant son amant heureux à ce point, Réginald pensa qu'elle pouvait bien, sans trop lui causer de peine, lui parler de la mort de Pyram. Réginald tenait même à le faire en ce moment parce que, très superstitieuse, elle savait qu'il faut toujours payer n'importe quel bonheur par un petit malheur. Sans cela, la chance ne continue pas. Alors elle dit à Charles Thénin, « Pour attacher ta veine, je vais t'apprendre quelque chose qui va te causer un peu de chagrin. » Ah ? Fit Charles en riant, et chantonnant, il continua à tirer de ses poches des billets de banque. « Pyram !» fit Réginald. Charles tressaillit. Il se redressa, il cessa de chanter, de dire, de toucher à ses billets de banque. Se retournant vers sa maîtresse, il demanda « Pyram, et quoi, Pyram ? Il est bien malade. Qui t'a dit ça ? Parle. Comment le sais-tu ? Paulin Broquet est venu ici. Paulin Broquet, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Rien ? Te dire cela, voilà tout. On a mis Pyram en observation pendant 15 jours, parce qu'au lendemain de l'assassinat de ton oncle, le chien semblait bizarre. Il faut 15 jours pour que cette maladie se déclare. Maintenant, ça y est, on va abattre le chien parce qu'il est enragé. » Charles poussa un cri. « Enragé ? » ?»« Oui, il a la rage mue, la rage silencieuse, qui fait lentement son chemin et qui tout à coup éclate, qui ne pardonne pas. La rage, répétait Charles. Et, ajouta Réginald, il paraît, c'est toujours Paulin Broquet qui me l'a dit, il paraît que si le soir du crime, Pyram a mordu l'assassin, un peu seulement, un rien, une petite déchirure, suffit. L'assassin de ton oncle maintenant est enragé. » Charles Thénin, en écoutant parler Réginald, peu à peu reculait, gagnait un de ces coins que l'abat-jour sur les lampes électriques rendait plus sombre que le reste de la pièce. Il semblait fuir la lumière. Réginald, au début de cette scène, s'était assise devant la petite table sur laquelle Charles jetait à poignée, pêle-mêle, son gain au jeu. Soigneusement, en femme qui connaît la valeur de ces choses, elle rangeait les billets par valeur, les pièces d'or par pile de 10. Puis, tout en parlant, elle s'est élevée pour aller quérir sur une pelote près de la cheminée, à l'autre bout de la chambre, des épingles pour assembler les paquets de billets. Quand elle se retourna, elle ne vit plus son amant auprès de la petite table. Alors il se passa une scène poignante, effroyable. Réginald aperçut son amant dans le fond de la pièce, accroupi, comme ramassé sur lui-même. Les yeux de Charles Thénin, grands ouverts, la pupille extrêmement dilatée, lançaient des éclairs. Sa bouche, aux lèvres relevées, montrait les dents comme s'il voulait mordre. Et de sa bouche, de la bave coulait. « Charles ? » appela-t-elle, effrayée. « Charles, qu'est-ce que tu as, Charles ?» Charles Thénin répondit par un cri qui n'avait plus rien d'humain, par un hurlement long, douloureux, terrifiant. Alors Réginald comprit. « Enragé ? » cria-t-elle. « Il est enragé ! » Affolée, elle appela au secours et voulut fuir. Mais d'un bond de fauve, Charles Thénin sauta sur elle en hurlant, et la jetant à terre, il voulut la mordre. À ce moment, la porte s'ouvrit, Paulin Broquet parut, il lança sur la tête de Charles Thénin un sac de toile forte qu'il serra au cou. Gabriel et la mort, en quelques secondes, passèrent la camisole de force au malheureux et l'emportèrent. « Voilà, messieurs, » dit alors Paulin Broquet, se tournant vers M. Urbain, juge d'instruction, et M. Baumier, chef de la sûreté. « Voilà la preuve que je voulais obtenir. Charles Thénin, l'assassin de son oncle, vient de nous donner lui-même la preuve effroyable de son horrible forfait. Charles Thénin a été mordu par le chien Pyram, le soir de l'assassinat de son oncle. Charles Thénin est enragé. » Et se tournant vers Réginald, qu'on avait relevé sans connaissance et que le docteur rappelait à elle, il ajouta « Quant à vous, madame, rassurez-vous, vous n'avez pas été mordu par ce misérable. Il n'a pas eu le temps de le faire. Je l'en ai empêché. J'étais là depuis le retour de Charles Thénain. Je guettais cette minute. Nous venons d'assister, messieurs, à une scène d'autosuggestion des plus caractéristiques. Je savais que le chien Pyram, en défendant son maître, avait mordu l'assassin. J'ai ramassé dans la chambre du meurtre un fragment d'étoffe qui manque à un des pantalons de Charles Thénain. Je l'ai constaté. Alors j'ai fait mettre Pyram en observation. Je l'ai fait déclarer atteint de la rage. Paulin Broquet conclut. Or, Pyram se porte à merveille.